والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Nous sommes toujours avec le hadith numéro 35, Abu Huraira radiallahu anhu. Il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous livrez pas à la surenchère, ne nourrissez pas de haine entre vous et ne vous brouillez pas. Ô serviteurs d'Allah, soyez des frères, car le musulman est le frère du musulman. Il ne doit pas le léser, ni lui faire défaut, ni lui mentir, ni le mépriser. » La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve ici, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigna par trois fois sa poitrine. Et il dit ensuite, le seul fait qu'un musulman méprise son frère est déjà en soi un mal. Toute la personne du musulman à l'égard de son frère est sacrée, tant sa vie que ses biens et son honneur. Hadith est rapporté par Muslim. تحدثنا الأسبوع الماضي عن الجمل الأولى من هذا الحديث الشريف فتكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا وكذلك عن قوله ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ووصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع المسلم على بيع أخيه قال وكونوا عباد الله إخوانا فهمنا أن هذه الأمور التي سبقت كلها تفسد الأخوة الإسلامية كلها تفسد الأخوة الإسلامية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا يعني بل كونوا عباد الله إخوانا ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فالمسلم ينبغي أن يحب أخاه المسلم كما يحب أخاه الشقيق أو أخاه من أمه أو من أبيه وما هي الأمور التي تضمنت هذه الأخوة الإسلامية بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره قدم النبي صلى الله عليه وسلم الظلم فقال ولا يظلمه سبق معنا أن تحدثنا عن الظلم في حديث أبي ذر الذي هو حديث قدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة المسلم أن يحذر من الظلم والظلم محرم مع المسلم ومع غير المسلم لا يجوز لك أن تظلم أحدا وهو أشد في حق المسلم لشدة حرمته وقال ولا يخذله. الخذلان هو ترك النصر. يكون أخوك محتاجا إلى نصرك فأنت تتركه، هذا هو الخذلان. كما قال الله سبحانه وتعالى: إن يخذلكم الله فلا ناصر لكم. فما إن يترككم الله سبحانه وتعالى ولم ينصركم فلا ناصر لكم. فالمسلم ينبغي دائما أن يكون مستعدا لنصرة أخيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، يعني فهمنا كيف ننصر المظلوم وكيف ننصر الظالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمنعه من ظلمه، تمنعه من ظلمه، فإن منعت الظالم من ظلمه فقد نصرته، أما المظلوم فأمره واضح. Donc, la semaine dernière, nous avions expliqué le début de ce hadith et on était arrivé à la phrase où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: soyez des frères, ô serviteurs d'Allah, soyez des frères, le musulman est le frère du musulman. Donc après avoir nous avoir interdit certaines choses, comme le fait de nous envier les uns les autres et de nous livrer à la surenchère et de nourrir la haine entre nous et de nous brouiller, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: soyez des frères car le musulman est le frère du musulman. Donc on peut comprendre que les choses citées au début du hadith sont des choses qui vont à l'encontre de la fraternité entre les musulmans. Donc le fait de s'envier, le fait de se livrer à la surenchère, le fait de nourrir la haine entre les musulmans et également de se brouiller sont des choses qui vont à l'encontre de la fraternité musulmane. Donc il dit ensuite: le musulman est le frère du musulman. Et également Allah subhanahu wa ta'ala a cité cela dans le Coran en disant: إنما المؤمنون إخوة. Les croyants ne sont que des frères. فأصلحوا بين أخويكم. C'est-à-dire, faites ou bien أصلحوا بين أخويكم. C'est-à-dire, réconciliez vos frères. Réconciliez vos frères et faites qu'il y ait une bonne entente entre vos frères musulmans. Et Allah dit également: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. C'est-à-dire les musulmans et les musulmanes sont les alliés les uns des autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela donc, il va nous montrer les choses que ça implique, cette fraternité entre les musulmans. Il a commencé par dire: la yazlimu. Il ne doit pas lui faire d'injustice, ne doit pas le léser. On avait déjà parlé de l'injustice dans le hadith numéro je ne sais plus combien, le hadith divin rapporté par Abu Dharr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Le hadith numéro 24: ô mes serviteurs, je me suis à moi-même interdit l'injustice, de même je l'interdis entre vous. Donc il est interdit aux musulmans d'être injuste envers son frère. Au contraire, il doit être, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit quelque chose, il nous ordonne de faire son contraire. Et le contraire de dhulm, c'est al-adl. Le contraire de dhulm, c'est al-adl. Et Allah subhanahu wa ta'ala: inna Allah yamuru bil-adli wal-ihsani wa ita'i dhil-qurba. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'injustice avec son frère musulman. L'injustice, de manière générale, c'est interdit. Que ce soit avec un musulman ou avec un non-musulman, mais c'est encore plus grave avec un musulman. En ce qui concerne même un non-musulman, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى. فَحَتَّى الْخُصُومَاتِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ يعني قَوْمٍ آخَرٍ لا ينبغي أن يحملكم ذلك على عدم العدل. المسلم دائما يكون عادلا مع صديقه ومع عدوه. وقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، حتى مع يعني أقرب قريب لك إذا تكلمت فتكلم بالعدل. الله ينزل dans le Coran que même une querelle avec un autre peuple ne doit pas vous inciter à être injuste. Le musulman il doit toujours être juste, même lorsque il a une querelle ou bien une haine avec d'autres personnes, il doit toujours rester juste. Et le prophète il dit également الظلم ظلمات يوم القيامة, c'est-à-dire l'injustice accomplie ici-bas se transformera en ténèbres يوم القيامة. Donc il faut absolument que le musulman fasse très attention à ne pas commettre d'injustice avec qui que ce soit. Ensuite il dit le prophète sallam wala yakhzulu, il ne doit pas lui faire défaut donc dans les difficultés. Le musulman donc il doit être prêt à tout moment à voler au secours de son frère, qu'il soit à l'Occident ou à l'Orient. Le musulman donc comme le musulman et son frère, il faut qu'il soit prêt à tout moment à lui à le secourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit "Ansur akhaka zaliman aw mazluma." C'est-à-dire sauve ou viens au secours de ton frère qu'il soit injuste ou bien qu'il ait subi une injustice. Les compagnons radiyallahu anhum ils ont dit nous comprenons comment secourir notre frère s'il a subi une injustice, c'est-à-dire on vient et on le défend. Mais comment secourir notre frère si c'est lui l'injuste? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a leur dit le fait de l'empêcher de commettre son injustice, c'est là, c'est ça donc le secours que l'on peut lui apporter. Ça c'est la deuxième chose après le fait de ne pas commettre d'injustice, le fait de secourir le musulman. Donc on avait cité le verset où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit où Allah subhanahu wa ta'ala dit les musulmans et les musulmanes sont alliés les uns les autres. Donc le mot allié sous-entend le fait qu'ils se secourent. Wala yakdhibu, yani la yuhaddithuhu bi al-kadhib. Wal kadhib huwa an tukhbira an shay'in bima yukhalifu al-waqi'. Ayu shay'in tahaddathta anhu wa mukhalifun lil-waqi' fa huwa kadhib. والكذب من كبائر الذنوب. يقول الله تبارك وتعالى ألا لعنة الله على الكاذبين, ألا لعنة الله على الكاذبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب, إياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النار, وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تخيل معي أنا شخص يعني مكتوب عند الله سبحانه وتعالى أنه كذاب عند رب العالمين. فالمسلم دائما عليه أن يكون صادقا في حديثه, أن يكون صادقا في حديثه. والإسلام يعني بلغنا بصفائه ونقائه بسبب صدق نقلته. الناس الذين نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة كانوا كلهم صادقين, بل إن كان أحد متهم بالكذب كان حديثه يعني مردودا. فالمسلم دائما عليه أن يعني يتحدث بالصدق في حديثه ولا يكذب. من الناس من يكذب إن كان يعني يجلب ذلك مصلحة, المسلم دائما أن يكون صادقا وإن كانت هذه المصلحة تفوتك بسبب صدقك. مفهوم؟ أشحال واحد كيكذب, كيكذب لأن قد يفيا يمكن بعض المال يستفيد بعض المال. لا, شخص يكون دائما صادقا في حديثه ولا يحقره, ولا يحقره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن احتقار المسلم أن يحقر المسلم أخاه المسلم وقال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن فلا ينبغي للمسلم أن يسخر وأن يزدري بأحد من المسلمين فكم من أحد أنت أن تحتقره وتسخر منه وهو في الحقيقة عند الله سبحانه وتعالى أكرم منك قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذا الاحتقار للمسلم ناشئ عن التكبر شخص يتكبر ويتجبر حتى يحتقر الآخرين وتجدون في القرآن في آية كثيرة أن الله سبحانه وتعالى دائما يذكرنا بأصل خلقتنا أن الإنسان خلق من ماء مهين خلق من نطفة ثم من علقة فشخص لم يكن شيئا مذكورا أصلا ثم بعد إيجاده فإنه يتكبر على الآخرين والكبر من الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها إبليس اللعين إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بشر الخلق الذي هو إبليس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة فقال كل ضعيف متضعف وألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر كل ضعيف متضعف شخص ضعيف في هذه الحياة الدنيا لا مال له ولا جاه عنده وليس من قبيلة قوية ومتضعف بمعنى أن الناس يعاملونه بالإضعاف يحتقرونه ويتجبرون عليه هؤلاء هم أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين وألا أخبركم بأهل النار كل عتل العتل هو الجافي الشديد في الخصومة دائما يتخاصم مع الناس الجواظ هو الجموع المنوع الذي يجمع الثروات ويمنعها إذا طلبت منه يجمع المال وإذا طلب منه أن يتصدق فإنه يرفض ذلك ومستكبر واضح على المسلم أن لا يحقر أخاه المسلم Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite wala yakzibuhu. Il ne doit pas lui mentir. Le musulman parmi donc les choses qui prouvent que le musulman est son frère, il ne doit pas lui mentir. Donc le mensonge, tout le monde connaît le mensonge, c'est le fait donc de dire une chose qui est en contradiction avec la vérité. Ça c'est le mensonge. Il y a la vérité, le contraire c'est le mensonge, quel qu'il soit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ala la'natullahi ala al-kadhibin. Que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur les menteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit également, faites attention, prenez garde au mensonge. Car le mensonge guide vers la perversité. Et la perversité mène vers l'enfer. Et la personne ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'elle se retrouve inscrite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un grand menteur. Le musulman, il faut qu'il prenne garde à cela. Il faut toujours qu'il soit sincère et véridique dans ses paroles. Certains musulmans, malheureusement, ils mentent lorsqu'il y a un bénéfice à gagner. Lorsqu'on leur demande telle ou telle information, ils mentent. Il faut que le musulman, toujours, il soit sincère. Même si il gagnera moins d'argent, ou bien même si tel bénéfice lui passera à côté. Il faut toujours que le musulman il soit sincère afin que donc il ne prenne pas de péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième chose qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wala yahqiruhu, il ne doit pas le mépriser. Donc le fait de se sentir supérieur par rapport à son frère musulman. Allah dit dans le Coran ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Oh les croyants, qu'un peuple ne se moque pas d'un autre, peut-être qu'ils sont meilleurs qu'eux. Également, que les femmes ne se moquent pas d'autres femmes, peut-être que ces dernières sont mieux que celles qui se moquent. Donc le musulman, lorsqu'il méprise une personne ou bien qu'il se moque d'elle, il faut qu'il se pose la question, est-ce que moi je suis mieux que lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et Allah dit dans surat al-Hujurat également, inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus pieux. Et un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, ala ukhbirukum bi ahli jannah, voulez-vous que je vous informe sur les gens du paradis? Les compagnons radiyallahu anhum ont dit oui. Il a alors dit kullu da'ifin mutada'af, toute personne faible que les gens méprisent. Méprise et donc il le considère comme faible. Ça c'est les gens du paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a ensuite dit, voulez-vous que je vous informe des gens de l'enfer? Il a dit kullu utullin jawadin mustakbir, c'est-à-dire toute personne toujours en querelle. Utul, c'est la personne toujours en querelle. Al jawad, c'est la personne qui réunit et rassemble l'argent, et lorsqu'on lui demande, il ne veut pas la donner. Il est en plus avare. Mustakbir, donc c'est la personne orgueilleuse. Donc ça, c'est les gens qui rentreront en enfer. Le hadith, donc il est dans le Bukhari ou Muslim. إذن بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بالنسبة للكبر l'orgueil, le prophète صلى الله عليه وسلم, car donc le fait de mépriser les gens, c'est le résultat de l'orgueil de la personne. La personne se croit supérieure aux autres, donc elle méprise les gens. Le prophète, il dit لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Hadith, il est dans Muslim. Ne rentrera pas au paradis celui qui aura dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Donc le musulman, il doit toujours être humble et modeste. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويشير صلى الله عليه وسلم الى صدره ثلاث مرات. يعني قال لهم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبين للناس ان الله عز وجل يوم القيامه سيحاسب الناس حسب ما في قلوبهم, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ولهذا للمسلم ان يحاول ان يعالج امراض قلبه ما استطاع. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فاشار الله سبحانه وتعالى كذلك ان التقوى موقعها القلب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. من الناس من يستدل بهذا الحديث الذي يقول التقوى ها هنا على يعني استباحته ترك بعض الأعمال الصالحة, فإذا نصحته وقلت له يا أخي صلي أو يا أخي يعني افعل وحج وصوم, فإنه يقول لك يعني التقوى ها هنا. هذا استدلال صحيح؟ هذا استدلال خطأ, لأن لو كان ما في قلبك صالحا لظهر ذلك على جوارحك. مفهوم؟ فالذي يدعي أنه متقي وأنه صالح وهو لا يعمل شيئا فإنه مدعي وكذاب، مفهوم؟ فصلاح القلب يظهر على الجوارح، ولهذا يقول المسلم إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فهذه يدعي يعني صلاح قلبه مع فساد أعماله فإنه مدعي ومفتري ليس بصادق في دعوة. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dit ensuite la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve ici, et il désigna par trois fois sa poitrine, c'est-à-dire donc son cœur. Donc il mit sa main sur sa poitrine à trois reprises en disant la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer donc l'importance du cœur dans l'islam, et que le cœur est la chose avec la personne réfléchie. Beaucoup de gens qui pensent qu'on réfléchit avec la tête. Non, il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre le cœur et الدماغ. كما قال الله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها. Allah dit dans le Coran que, en parlant des gens de l'enfer, ils ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas. Et ici également, le prophète sallam nous dit et taqwa huna, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se trouve dans le cœur de l'individu. Et Allah dans le Coran il dit également wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwa al-qulub, celui qui vénère les rites d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait partie de la piété des cœurs. Donc la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyama, il ne jugera pas les gens en fonction de leur origine, en fonction de leur taille, de leur richesse. Pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme dans le Bukhari ou Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyama, il ne regardera pas votre image, ni votre couleur, ni vos corps, mais il regardera vos cœurs et vos œuvres. Vos cœurs et vos œuvres. Et donc, il y en a beaucoup également, comme on a dit, qui se basent sur ce hadith pour dire taqwa hauna, pour délaisser les adorations. Ils ne font aucune prière, ils ne jeûnent jamais, ils ne font pas le pèlerinage, ils ne donnent pas de sadaqat, ils ne viennent jamais à la mosquée. Si on leur dit pourquoi tu délaisses tout cela, il va te dire et taqwa hauna, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est ici. Alors, si la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est forte dans le cœur du musulman, cela doit se manifester par les actes. Les actes sont la preuve de ce que la personne possède dans son cœur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Ala inna fil jasadi mudra, il y a un morceau de chair dans le corps, lorsque ce morceau de chair est sain, tout le corps est sain. Et si elle est corrompue, on va dire, à ce moment-là, tout le corps sera corrompu. Donc la personne, ce qu'elle a dans son cœur, est prouvé par ses actes. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم ان يكفي للمسلم اثما وذنبا ان يحقر اخاه المسلم لو لم يكن عند الرجل الا هذا الذنب لكفاه اثما. مفهوم؟ وأن الشخص لم يعمل أن شرا قط إلا هذا الذنب لكفاه بذلك إثما. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ويكرر شدة أمر احتقار المسلمين. يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم reparle ici du fait de mépriser les musulmans. Du fait de mépriser les musulmans, il nous dit le seul fait qu'un musulman méprise son frère est déjà un mal en soi. C'est-à-dire que si la personne ne possédait aucun péché, qu'elle accomplissait toutes les œuvres demandées, délaissait tous les interdits, mais la seule chose qu'elle fait comme mal est le fait de mépriser ses frères musulmans, cela serait suffi pour être un mal en soi. Donc pour nous prouver également l'importance de cela et la gravité de mépriser les musulmans, le prophète il en a parlé à deux reprises dans ce hadith. Il a dit wala yahqiru, et ensuite il nous dit bi hasbi imri'in min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim. Donc le seul fait qu'un musulman méprise son frère musulman est déjà un mal en soi. Ensuite le prophète sallam il dit le prophète sallam après ذلك كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هنا عظمة حرمة المسلم. المسلم يعني إنسان شريف وكريم بشرف الله سبحانه وتعالى له وبكرمه له سبحانه وتعالى. فإذا إن اتصف الإنسان بكونه مسلما أنه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والتزم بأحكام الإسلام فإن دمه وماله وعرضه حرام يعني له حرمة وينبغي أن تحترم هذه الأمور. وتجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة هذا الأمر يعني انتهاك حرمة دم المسلم وماله وعرضه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في أكبر يعني مجمع له في حياته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطبا عديدة. خطب يوم عرفة وخطب يوم النحر وخطب كذلك في أيام التشريق. ومن ضمن الأمور التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال لهم أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. لا ينبغي أن يتعدى مسلم على آخر في دمه وماله وعرضه. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذه الأمور الثلاث ب يعني حرمة اليوم الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المكان. فقال كحرمة يومكم هذا الذي هو يوم النحر كذلك يوم عرفة في بلدكم هذا يعني مكة التي هي أحب أرض الله إلى الله. أحب أرض الله إلى الله مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجه قومه والله إنك أحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. في بلدكم هذا في شهركم هذا الذي هو شهر ذي الحجة الذي هو شهر من الأشهر الحرم. الأشهر الحرم كم؟ أربعة. ما هي؟ نعم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. رجب التي يكون بين جماد الثانية وشعبان. يقول دمه وماله وعرضه. مر معنا بالنسبة للدم من أحاديث الأولى التي شرحناها حديث عبد الله بن عمر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يجوز للمسلم أن يسفك يعني دام مسلم إلا في هذه الأحوال الثلاث. ومن قتل مؤمنا متعمدا كما قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في قصة يعني قتل ولد آدم أخاه ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فيعني جريمة القتل جريمة كبيرة في ديننا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى من سفك دم مسلم. لزوال الدنيا يعني كلها أهون على الله سبحانه وتعالى من سفك دم رجل مسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit ensuite que toute la personne du musulman à l'égard de son frère est sacrée, tant sa vie que ses biens et son honneur. Donc ça également, ça rentre dans le fait que le musulman, il faut qu'il se rende compte que de l'aspect sacré de son frère, déjà son propre aspect sacré à lui et également l'aspect sacré de son frère. Donc il nous dit « Damuhu wa maluhu wa irdo » ces trois choses citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il les a citées à la fin de sa vie dans le plus grand rassemblement des musulmans de sa vie lors du pèlerinage d'adieu qu'on appelle Hajjat al-Wada'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il a tenu plusieurs discours, un le jour de Arafah, un autre le jour de l'Aïd et un autre le 12e jour pendant les jours de ce qu'on appelle Ayyam Tishriq. Et parmi les choses qu'il leur a dit, cela, le fait que le musulman est sacré et que sa vie est sacrée, que ses biens sont sacrés, que son honneur également est sacré. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, Hajjat al-Wada', c'est les derniers conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à sa communauté. Il leur a dit إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. C'est-à-dire, vos vies, vos biens et votre honneur sont sacrés, les uns pour les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également comparé l'aspect sacré de ces trois choses à l'aspect sacré de trois choses. Il a dit, c'est comme l'aspect sacré du jour dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le jour de Arafah, le jour de l'Aïd, ou bien les jours de Ayyam Tashriq, qui font partie des jours du pèlerinage. Ensuite, il a dit Fi baladikum hadha, dans la ville où nous nous trouvons, c'est-à-dire la Mecque. La Mecque qui est l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut également que le musulman, il aime la Mecque plus que tout endroit, même s'il n'y est, il ne s'est jamais rendu. Donc le musulman il aime la Mecque plus que tout endroit même si il n'y s'est jamais rendu. Fi shahrikum hadha, dans le mois dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le mois de Dhu al-Hijjah qui fait partie des mois sacrés. Donc les mois de l'année il y en a 12 et il y en a 4 qui sont sacrés. Il y a Dhu al-Qi'ada, Dhu al-Hijjah et Muharram et Rajab qui est entre Jumad al-Thaniya et Sha'ban. Donc la vie du musulman elle est sacrée. Allah dans le Coran il nous dit que celui qui tue un musulman ou un croyant intentionnellement, sa récompense sera Jahannam, pour y demeurer Allah subhanahu wa ta'ala radiballahu alayhi, il se mettra en colère contre lui wa la'anahu, il le maudira wa a'adda lahu 'adaban 'azima, et il aura préparé pour lui un châtiment énorme. Pour ça que le musulman, à l'heure actuelle, ce qu'on voit dans les pays musulmans, Ça rentre dans cela, le fait que c'est des musulmans qui se tuent les uns les autres, sans penser à l'aspect sacré de leurs frères musulmans. Donc, et Allah il dit également dans le Coran, dans surat Al-Ma'ida, celui qui tue donc une âme sans droit ou ni sans les personnes qui font le désordre, c'est comme s'il avait tué tous les gens de la terre. Le fait de tuer une seule personne sans droit est comme le fait de tuer tous les gens de la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit la zawal dunya ahwanu ala Allahi min Safki Dami Rajulin Muslim. Le fait que tout ce bas monde disparaisse, ça a moins d'importance pour Allah subhanahu wa ta'ala que le fait que le sang d'un musulman soit versé. On avait cité le hadith également qu'on n'avait pas expliqué, qui faisait partie des premiers hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit. C'est-à-dire, il nous dit « La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath » Il n'est permis de verser légalement le sang d'un musulman que dans trois cas. Celui de l'homme marié qui commet l'adultère, celui de l'assassin qui est légalement mérite la mort, c'est-à-dire la loi du talion, et celui de l'homme qui renie sa religion et se sépare de la communauté. Dans tous les autres cas, il est interdit donc que le musulman soit, que sa vie lui soit retirée. دمه وماله وعرضه كذلك المال مال المسلم حرام لا يجوز للمسلم أن يأخذه بغير حق لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال يعني الغير بغير حق ولكن مال المسلم أشد حرمة من يعني غيره من الأموال كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Également les biens du musulman. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا, les croyants, لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. C'est-à-dire ne consommez pas vos biens mutuellement avec le faux. Donc le fait de se voler mutuellement. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه. إذن لا يجوز للمسلم أن ينتهك عرض أخيه بالغيبة والسب والشتم. بالنسبة للغيبة نوع من كبائر الذنوب بإجماع العلماء. كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه. وتعريف الغيبة عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله وذكر أخاك بما يكره. ذكر أخاك بما يكره, هذا هو الغيبة. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما نقول, هذا الشيء اللي قلنا فيه موجود فيه. فقال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت يعني كذبت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج مر بأقوام لهم أظافير من نحاس يخدشون بها وجوههم وصدورهم عياذا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء هم الذين يقعون في أعراض المسلمين. هؤلاء هم الذين يقعون في أعراض المسلمين. Donc ensuite le prophète sallam a fini le hadith en disant et l'honneur du musulman. Donc l'honneur du musulman doit également être respecté, c'est-à-dire de ne pas l'insulter, de ne pas lui faire de médisance, le fait de parler dans son dos. La médisance, donc, c'est un très très grand péché. c'était cité dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا » Vous ne devez pas médire les uns sur les autres. Ensuite, pour nous montrer l'image de la médisance, il nous dit « أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا » Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort ?« فَكَرِهْتُمُ » Donc la médisance, c'est comme le fait de manger la chair de notre frère musulman mort. Déjà vivant, c'est détestable et dégoûtant. Et en plus de cela, mort du fait, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il était mort du fait qu'il est absent. Du fait que l'on parle de lui alors qu'il est absent. Donc le musulman, il doit absolument éviter de parler sur les gens de ce qu'ils détestent alors qu'ils sont absents. Ça c'est al-riba. Même si ce que tu dis à son égard est une réalité. Admettons que tu dises un tel, il est par exemple avare. Peut-être même vraiment qu'il est avare, mais ça c'est également de la médisance du fait que lui, il déteste cela. Toute chose que ton frère déteste, que l'on dise à son sujet, si tu le dis derrière lui, tu as alors médit. Et si tu dis une chose qui n'est pas présente en lui, c'est encore pire, à ce moment-là, tu auras menti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, lors de la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, il est passé par des gens avec Jibril. Il a vu des gens possédant des ongles en bronze. Des ongles en bronze avec lesquels il se griffait le visage et la poitrine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a alors dit à Jibril alayhi sallam, qui sont ces gens? Jibril alayhi sallam lui a alors dit, ce sont ceux qui ne respectent pas l'honneur des musulmans. Ceux qui ne respectent pas l'honneur des musulmans. Intahina min al-hadith. Sallallahu ta'ala wa fiqana lima yuhibbu yarda. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Merci.